بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثامن عشر 18. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ندخل في الدرس التاسع من الكتاب بعنوان رسالة إلى صديقي. Une lettre à mon ami. يعني الدرس ذاك يشير إلى كيفية كتابة رسالة شخصية إلى أحد أصدقائي. Comment tu écris une lettre à un de tes amis, يعني une lettre personnelle. Parce que tu sais que les lettres diffèrent quand tu fais une lettre pour une demande d'emploi, ce genre de choses, ou une lettre à un homme d'État, ce genre de choses, ou une lettre à... Là, c'est... La façon de faire, le style est différent. Donc là, c'est une lettre à ton ami. يقول الكلمات الجديدة الدوائر الحكومية. هنا دوائر c'est le gemme de دائرة. À la base, دائرة c'est un cercle. Un cercle. Et là, نظرت في المعجم الكتاب خلف يقول هي الإرادة الحكومية الصغيرة. C'est tout ce qui est lié aux administrations gouvernementales, mais moins grosses que par exemple le ministère. Par exemple, plus grande dedans, la poste ou les transports en commun, ce genre de choses. D'accord, j'ai pas trouvé le mot équivalent en français. Il doit y en avoir un, c'est juste que moi. Peut-être. Là, ils ont pas dit. Ouais, sûrement ça, service administratif. Travailler dans ce style, ouais. Ou le cercle administratif, ce genre de choses. Ouais, ça, ouais. Peut-être la mairie, ça rentre là-dedans, quand même. Ouais. Ce genre de choses. Quand même. Masarif, c'est le diam 2. Masarif. Et un masarif, c'est comme ils disent des bounouks, c'est les lieux de change. Aussi. لفت يلفت c'est attirer. مثلا تقول يلتف النظر ce qui attire le regard. Bien dans le معنى. Tu peux l'utiliser dans d'autres termes, mais la leçon voulue dans ce contexte là c'est ça. C'est attirer le regard. Harakat, c'est tout ce qui est activité, mouvement. Harakat et sir, c'est la circulation, on va dire. La circulation. Ma'din. Ma'din, ou nabi ma'na. Je pense qu'ils veulent pas là. Minara, les minarets, les lieux où on fait la zan. Les lieux élevés dans lesquels on fait l'adhan. C'est ce qui n'est pas dans le texte. Al-mu'assasat al-ta'limiyya, c'est tout ce qui est fondation d'enseignement. Organisation, fondation, ce genre de choses. Radd. On a radd, marna al-ijaba. Radd. Raddun, c'est le mazar de radd et raddu. Qui veut dire répondre. Ça peut être un rod. Ça peut être un rod adi, comme pour une question, tu me réponds. Ça peut être un rod, une réfutation, comme tu connais, rodoud al-miya, tu réfutes. Ça peut être un rod, un refus également. Genre, dit tout fil bête, fa radaytani, tu m'as refusé, tu m'as rejeté dans le sens, tu vois. Là, le sens voulu, c'est réponse. Khitab. Un khitab et la risala, c'est le discours contenu dans la lettre. Discours. Ramz al-Baridi, c'est le numéro, le code, je crois que c'est le code postal. Et tarikh, c'est la date. Afoum, tayeb. Yaqoul بسم الله الرحمن الرحيم أولا التاريخ السبع من المحرم سنة 1415 La date c'est le 7 de Muharram de l'année 1415 العنوان c'est le titre on l'a pas écrit là le sod et le bas c'est Sundouk al-Barid, on va dire la boîte postale. Yani 234. Boumadi ou Bombay Afan. Bombay, Marlouf. Et na Bombay, il Hind. C'est en Inde. Bombay. En Inde. Naam. يقول صديقي صالح ابن إقبال ابن عباس أمون أمي صالح فيز دو إقبال فيز دو عباس هذا صالح ابن إقبال ابن عباس يسمى بالاسم الثلاثي c'est un nom où tu cites le nom du père et du grand-père ça s'appelle un ثلاثي trois noms cités ton nom à toi celui de ton père et celui de ton grand-père ça c'est la vraie méthode arabe à la base. D'accord, tu cites toi, le prénom de ton père et celui de ton grand-père. Fil Hakeka, chez les Arabes, il n'y a pas de nom de famille. Comme on trouve chez nous aujourd'hui. Un vrai nom, la vraie façon de faire, c'est ton prénom à toi, ensuite celui de ton père, ensuite celui de ton grand-père. Et ce qu'on appelle un Roba'i, c'est quand tu rajoutes le nom de l'arrière-grand-père. Et le sahih, c'est de mettre ibn entre chaque. Par exemple, aujourd'hui, les gens ils raccourcissent, ils disent, par exemple, ils diraient Salih Iqbal Abbas. En fait, ce qui veut dire ibn, ils enlèvent le ibn. Et des gens, peut-être qu'ils comprennent mal, ils s'imaginent que ce sont des prénoms composés. Alors que non, en fait, c'est trois personnes différentes. Par exemple, chez nous, on va dire Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un prénom composé, mais d'une seule personne. D'accord, Jean, Paul, les deux prénoms ils sont liés ensemble, mais c'est la même personne. Jean-Pierre, Jean-Marie. Et aujourd'hui, une chose est venue sur laquelle les Arabes ils ont copié les Koufar là-dessus, et Shir et Jafar Tambi, c'est les prénoms composés par exemple. Par exemple, quelqu'un s'appelle Mohamed Ali ou Mohamed Amin. Mais lui, Sania, c'est quoi? C'est pas de mettre le nom au nom du père. C'est les deux prénoms sont composés à la même personne. Comme on dirait Jean-Paul. Et ça, je sais que c'était pas à la base. C'est une façon innovée de nommer les gens. Tu comprends? Ah ouais. Tu l'appelles Mohamed ou tu l'appelles Amin. Mais Mohamed Amin, ça n'existe pas. Et les gens, des fois, ils croient, et en fait, ils ont entendu quelqu'un dire Foulen, c'est mot Mohamed Amin. En fait, lui, c'est Mohamed et son père, c'est Amin. Ah. Et ils ont cru que c'était un nom composé, en fait. Il s'appelle Mohamed Amin, son prénom, c'est Mohamed Amin. En fait, Amin, c'est le nom de son père. Mais à la base, lui, c'est Mohamed, tout court. Même. Donc, il y a Yonil Tibes qui s'est fait avec Kiproko. Déjà, ils n'ont pas bien compris. En tout cas, Cheikh Le Chir, il a déjà interrogé sur cette façon de nommer cette nomination. Il a dit que c'était une nomination qui n'était pas connue chez Salaf. C'était prénom composé comme ça. Tu vois, il s'appelle Ali Ibrahim ou Abdurrahman Suleiman. Je parle en nom composé, hein. Pas en nom de fils et nom du père. C'est pour ça le meilleur, le Awdah, un taktoub Ibn. Entre les deux, comme ça. Les gens ils comprennent ce que tu veux dire par là. Mmh. Naam. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتب إليك هذه الرسالة عسى أن تصلك وأنت بصحة جيدة. Donc j'ai dit, je t'écris cette lettre. Hein? عسى هنا من أسماء الأفعال رجاء l'espoir ou des possibilités, on pourrait dire. Là on traduirait par espérant, tu vois. Le sens c'est espérant qu'elle va te provenir, te parvenir plutôt, alors que tu es dans une bonne santé. On le dira comme ça. Ou il se peut qu'elle te parvienne alors que tu es en bonne santé. Arjou أن تطمئن علي فقد وصلت إلى مقر المعاد الذي أدرس فيه بعد سفر مريح بالطائرة. Donc j'espère, c'est pour te rassurer sur mon cas, c'est-à-dire sur moi qu'il est parti en voyage, et il informe son ami qu'il est bien arrivé pour qu'il se rassure. D'accord. أرجو, c'est j'espère, أن تطمئن علي. إطمئن يطمئن, c'est se rassurer, s'apaiser. Alaya sur moi, c'est-à-dire sur mon cas, pour te donner de mes nouvelles. Faqad wasaltu ila maqar al-ma'ad, je suis arrivé à l'institut, celui dans lequel j'étudie, après un voyage confortable en avion. Ba'd safarin murihin bit-ta'ira. Amma al-madinatu allati fiha al-ma'ad فهي مدينة كبيرة ونظيفة وفيها كثير من المؤسسات التعليمية والصحية والدوائر الحكومية والشركات والمصارف. Donc il dit, et quant à la ville dans laquelle se trouve le Mahad, l'institut, c'est une grande ville propre avec beaucoup d'organismes, on va dire, des fondations, tu vois, d'organismes d'enseignement et de santé. Et de cercles administratifs, chez des quatre entreprises, ou masarif, des bureaux de change, des banques. وشوارعها واسعة ومبانيها عارية وهي مدينة مزدحمة بالسكان. Donc ces rues sont larges et ces constructions sont élevées, les bâtisses sont élevées. Et c'est une ville peuplée. Muzdahama là-bas, ça veut dire Az-Ziham, c'est la foule, quand c'est bondé. Le Souken, c'est les habitants. Donc on va dire c'est une ville peuplée. En un mot, en français, on dirait comme ça. Une vérité peuplée. وَحَرَكَتَ السِّيرْ فِيهَا مُسْتَمِرٌ لَيْلًا وَنَهَارًا. Et la circulation est continue, nuit et jour. وَأَكْثَرُ مَا لَفَتَ نَظَرِي كَسَرَتُ الْمَسَاجِدْ فِيهَا وَارْتِفَاعُهَا. Donc ce qui a attiré mon regard, c'est la grande quantité de masajid, de mosquées qui s'y trouvent, hein, et la hauteur de ces minarets. As-sukan wa as-sakan murih, le logis confortable. Wa nizam dirasa fatratani sabahan wa masa'an, et on va dire le cursus scolaire, on dira comme ça. À la base, c'est le. On dira comme ça. Et en deux étapes. Le matin. On dirait le cycle scolaire, le cursus scolaire, cycle scolaire, ouais. Le temps d'études, quoi, en fait. Et en deux temps. Le matin et l'après-midi. D'accord ? Le matin et l'après-midi. Innani masrurun bil kitabati ilayk. Je suis heureux de t'écrire. وأرجو أن يصلني ردك قريبا يحمل أخبار الأهل والأصدقاء. Et j'espère qu'il me parviendra une réponse de toi prochainement comportant des informations, des nouvelles plutôt, on dira, des nouvelles de la famille et des amis. تحياتي لهم جميعا وإلى اللقاء في الخطاب القادم. Donc il dit Yani tahiyati, c'est mes salutations pour eux. Il va falloir parvenir à mes salutations. Et à la prochaine rencontre, on dira comme ça, l'Iqra, c'est une rencontre, le khitab, pour une prochaine correspondance. Le khitab et Qadim, ce serait le prochain discours, mais là, ce qu'il veut dire par là, c'est la prochaine correspondance. Al-Unwan, il a écrit l'adresse. Al-Unwan, ça peut être un titre ou une adresse. Hein. Bon, Al-Unwan, c'est un titre ou une adresse. Soudouk al-Barid, 625. Après, Ramz al-Baridi, c'est 11 145. C'est 11 145. Code postal. Riyad, Al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya. Signé Hassan Nusalih ibn Nour al-Haq. Naam. فهمت النص؟ لكم سجى يبون أو؟ سنأخذ تدريب الأول إن شاء الله. يقول أجيب عن الأسئلة الآتية التالية. C'est la réponse qui se rapporte au texte. بما بدأ حسن رسالته. Par quoi est-ce que Hassan a commencé sa lettre? Hassan. Liman kataba Hassanun et Risala. A qui Hassan a écrit la lettre? Kataba Hassan li sadiqi. Li sadiqihi. Naam. Kifa wassala Hassan ila maqar al-Ma'had? Comment est-ce que Hassan est arrivé à l'institut? Bima. Avec quoi? Non. Quand ils disent Mahad, là, ils veulent dire le lieu où il y a le Mahad, tu vois. Makar al Mahad, c'est le lieu où se trouve le Mahad. Le pays de l'institut, comme ça. Ou la région. Bima. C'est par quel moyen, en fait? Maktoubouna. Bita'ira? أيوة بالطائرة. بما وصف حسنون المدينة التي بها المعهد. Comment est-ce que Hassan a décrit la ville dans laquelle se trouve le Ma'had? Et là tu regardes, je te dis, التي بها. ما قال التي فيها. Tu peux dire aussi بها. بي aussi c'est بمعنى voilà. في. Voilà. فهمت؟ بي هنا بمعنى في. نعم تفضل. مريح كذا مريح. كما اسك لا ديكري cette ville انها مدينه كبيره نظيفه وفيها كثره من المؤسسات والعلوم هذه. نعم. ما نظام دراستي في المعهد؟ quel est le cycle scolaire dans cet institut? La question, ma nizam ul dirasati fil ma'had. C'est quoi le cycle scolaire? Fataratan bayna al-sabah wa al-masa. Fataratan? Fataratan bayna al-sabah wa al-masa. Maza yatawakka'u Hassanun min Salih? Qu'est-ce que Hassan attend de Salih? Yatawakka'u, à la base, c'est anticiper une chose, ou devoir craindre une chose. Et là, c'est ce qu'il espère ou ce qu'il attend de lui. Il y a un نعم. ما التحية التي وجهها حسن لصالح؟ Quelle salutation a-t-il dirigé vers Saleh? يعني حسن. وتحيتكم الجميع استشوا على الانصام ديجا الاهل والاصدقاء. لماذا كتب حسن رسالته؟ Pourquoi est-ce que Hassan a écrit sa lettre? اثمين الصديقي لي ليطمئن صديقه صديقه فاعل ليطمئن صديقه صديقه في الفعل ده يطمئن. ماذا تفعل إذا كتبت خطابا ولما تستلم ردا عليه؟ طيب ولم تستلم ردا عليه عفوا. Que fais-tu si tu écris à quelqu'un et que tu ne reçois pas de réponse? سأكتب مرة ثانية. نعم. وأدعو لوصول إليه. نعم. طيب. Ah, maintenant les courriers, c'est les trucs qui sont. Avec tout ce qu'il y a comme système maintenant, les mails, les textos, et toute la nouveau là, sur le téléphone. Donc les lettres là, c'est plus trop. Plutôt d'actualité, je crois. À part peut-être si c'est ceux qui viennent de l'État, ou les amendes, tu vas payer des amendes de métro, tu as sauté le tourniquet, ou les amendes de voiture quand tu t'es pas garé, tu t'es mal garé. Je crois que tu peux même faire ça sur internet. Ouais, mais non. Parce qu'il t'envoie avec accusé de réception pour le fait que tu as bien reçu. Tu peux feinter, tu peux dire, ouais, monsieur, je suis pas sûr. Mon ordinateur il est en panne et tout. Donc lui il t'envoie par courrier avec accusé de réception. Quoi que tu as une amende à payer, on t'envoie un texto. Je sais pas, il va t'envoyer un texto quoi. Ils vont t'envoyer seulement un type chez toi là avec le facteur avec la lettre là. Et tu signes que tu as bien fait la lettre. Et, voilà. Et après ça. Tu rends des comptes avec l'État. طيب. يقول التدريب الثاني. اربط بين كل كلمتين كما في النموذج. Donc tu lis entre les deux parties comme dans le modèle. النموذج يقول رد الرسالة رمز البريدي. يقول عندما اكتب رد رساله اكتب رمز البريدي. Donc le première partie c'est رد رساله, c'est réponse à la lettre, et رمز البريدي c'est le code postal. Donc, il dit lorsque, عندما c'est lorsque j'écris la réponse de la lettre, j'écris le code postal. طيب يقول التاريخ الهجري. عندما اكتب الخطاب اكتب البسملة. لا يقول التاريخ الهجري ستين تاب الذي قبله. تمام شنو بيه شو اكسب سدنا سدنا عندما اكتب التاريخ اكتب الهجري. نعم. Ça c'est un truc qu'aujourd'hui on a beaucoup de négligence sur le kitaba du tarikh hijri. Le problème c'est que même nous on le faisait mais on voit les gens sont perdus, tant mieux qu'ils connaissent pas. On est obligé d'en mettre le tarikh al-miladi, malheureusement. Mais à la base c'est ça le calendrier islamique, celui-là. Le tarikh hijri. On a une date, on a des mois, on a des années, normalement on doit s'y tenir. Cependant, comme tu sais, aujourd'hui on a. Voilà quoi. طيب الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم. عندما اكتب الخطاب اكتب بالبسملة. Quand je commence le discours, je commence par la basmala. لماذا؟ باتباع سنة ال ماذا؟ اقتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتبرك إذن pour inshallah trouver la baraka. Et quand tu écris une lettre وتبدأ بالبسملة ما هو تقدير c'est quoi le sous-entendu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, j'ai pas dit c'est quoi le sabab. Quoi? Le takdir. Qu'est-ce que tu sous-entends? Il y a un takdir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aktub. En fait, la basmala liée est à Niyah. Sauf que tu ne l'écris pas. Al-Muqaddara. Si tu t'assois, tu dis Bismillah, tu dis Bismillah, Ajlis. Si tu manges, tu dis Bismillah, Akol. Toi, tu prononces la basmala, mais tu ne prononces pas le Muqaddara. C'est la chose que tu as fait pour Allah. Abi Liummi. عندما أكتب أبي أكتب لأمي عيد عندما أكتب لأبي أكتب لأمي je sais pas ce qu'il y a pas là il y a pas li avec Abi Allah Alam peut-être التحية السلام عليكم عندما أكتب التحيات أكتب السلام عليكم. نعم، parce que j'écris l'association, j'écris السلام عليكم. À tout le monde. Hein? Donc quand tu écris à Monsieur Dupont, alors? Par exemple. Voilà. Quand tu payes le loyer. T'es en retard, t'as pas payé ton loyer, t'es en retard. Monsieur Dupont il te cherche. Allez, il veut savoir si t'es vivant ou pas. Tu lui dis السلام عليكم. Là bonjour. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, c'est Dupont. Et tu sais que même justement, c'est une question que je me pose par rapport au hadith, lorsqu'il dit La tabdaou bis salam ma el kitab, ma el kuffar, le mouchidaki. Il faudrait poser la question lorsqu'il dit salam, est-ce que cela veut dire salamu alaikum ou salam le fait de les saluer Parce que je me rappelle, au début, j'ai lu ce hadith là. À mon travail, je vais me convertir. Et c'est tout des koufars, tu vois, mon travail. Je suis arrivé au boulot, en plus, c'était au moment des fêtes. La bonne année et tout. Ça, ça tombe bien. Je ne connaissais pas le hadith, je l'ai lu quelques temps avant. Je dis, c'est bon, j'en dis plus bonjour. Je crois que je l'avais lu en français en plus, je ne connaissais pas l'arabe à l'époque. Les gens dans le français, c'était le fait de ne pas les saluer en premier. Et mon patron, moi, il faut dire le haq, il a toujours été rigolo avec moi, il était gentil avec moi. Toujours été cool avec moi, tu vois. J'arrive au boulot, déterminé. Il y a pas, je dis bonjour à personne. Tu vois. Et je rentre parce que mon patron il voit, il me regarde comme ça. Normalement je dis bonjour, tu vois, habituellement. Bonjour monsieur Godet, il s'appelle. Bonjour monsieur Godet, tout. Tu vois. Ambiance courtois et tout. Là je passe devant lui, je dis rien et tout. Je vois, il me regarde. Il dit bon, j'étais fâché et tout. Après il me voit, il me salue en premier. En me nommant par mon prénom, tu dis ça va aujourd'hui, tu vas bien? Ouais, ouais, j'ai bien. Et genre, pourquoi tu passes le beau, tu sais, pourquoi tu me dis pas bonjour, quoi? Ah, je l'aurais dit, moi, il n'aura pas compris. Donc, ça va maintenant le hadith, qu'est-ce qu'il a que est-ce que c'est le fait de dire assalamu alaikum? Parce qu'à la base, si eux te le disent, il y a un khilaf, est-ce que tu le réponds ou pas? Si les koufars te disent assalamu alaikum. Nabi Salam, il a dit, kul wa alaikum. Et il y a des ulama, ils disent ça, c'est si jamais tu sais qu'il t'a dit assam alaikum. Mais si jamais tu as compris qu'il t'a bien dit assalamu alaikum, comme Charles Femin lui dit que tu leur réponds pareil. Wa alaykoum as-salam. Mais un khilaf, tu vois. Sur la mas'ala. Donc pour savoir le hadith, est-ce qu'il inclut le fait de. C'est comme le hadith de. Ils aiment al-kitab, fadayekul tadek alayhim. Que si la les gens du livre passent, tu le ressors à la rue. Quand j'ai lu le hadith, la première fois, je me rappelle, par exemple, en français, je dis comment je vais faire ça. En France surtout. Et ça c'est des hadiths qui s'appliquent au pays d'islam. déjà lorsque les muslims sont en force, et que tu sais que derrière l'État il va suivre. Demain par exemple, je sais pas moi, tu es dans un pays, tu vas dans un pays d'islam et tu t'amuses à faire ça, tu auras des problèmes. Le chrétien va seulement porter plainte contre toi, c'est toi qui auras des problèmes. Islam radical. Donc les hadiths maintenant, faut bien les comprendre et les appliquer dans leur contexte. Faut pas faire de fitna. Parce que sinon, voilà, tu feras des problèmes. Mais à la base, normalement, tu vois, hadith, il est clair, on l'applique. Mais là, aujourd'hui, on est tellement dans une faiblesse ou quoi que tu. Tu sais même plus comment tu salues un kafir, tu sers la rue sur lui, tu sais même plus comment faire. T'as vu le hadith, mais à la fin, tu dis est-ce que je peux le faire, je peux le faire. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en état d'appliquer la chose comme on la voit, sans créer de problème à la suite, malheureusement. Non. Taïeb. Après, il y avait quoi Taïeb, non. Arisala al-Unwan. Lorsque j'écris la lettre, j'écris l'adresse. Attends, on fait la liste, il y en a combien après? Oui, on va en prendre encore, on va prendre la liste. Et on va s'arrêter là. يقول التدريب الثالث أكمل الجمل التالية كما في النموذج. Donc complète les phrases suivantes comme dans le modèle. النموذج الرسالة صحة جيدة. Donc ta la lettre est bonne santé. أرجو أن تصلك الرسالة وأنت بصحة جيدة. J'espère que la lettre va te parvenir alors que tu es en bonne santé. طيب والدك المطار انت سلكة دي ارجو انت سلكة رسالة وانت بصحة جيدة وكل اشكال انت سلكة منصوب بان طيب والدك المطار من الوالد الوالد نعم الوالد هو الوليد الوليد من الوليد الوالد هو الأب الأنفان ها والوليد سي لو غران بير لا الوليد سي الأنفان والمولود لا نيسونس نوفوني والمولود المولود له sa naissance oui. C'est le père El Mouloud Lahou c'est le père qu'elle a avec plein de termes comme ça différents qui viennent Walid c'est l'enfant Naam Fadzal c'est quoi alors Arjou an tassal an tassil Arjou an tassil akal walidak لا كيف تا سي يا دون بروميير انت سلك رساله باسكو رساله سي الفاعل رساله مؤنث سا فيمينا اما الوالد المذكر ارجو ان يصلك والدك وانت في المدار نعم اسبيك تو بير باتو arrivé alors que tu es à l'aéroport. Al haqibatu al maktab. Arjou an tasilak al haqibatu wa anta fi al maktab. Non, j'espère que le sac va te parvenir alors que tu es dans le bureau ou l'agence ou al muwafaqa baladik. Arjou an tasilak al muwafaqa j'espère que la mouafaka ce serait peut-être l'accord, je sais pas l'accord de quoi, que l'accord te permettra alors que tu es dans ton pays. Peut-être l'accord de pouvoir voyager, je sais pas. Et ben nous, la mouafaka on l'a pas. Je sais pas. On n'a pas de mouafaka. On a un mana. Interdiction. Hein? Nous c'est le mana. Au Yémen c'est le man, il n'y a pas de mouafaka. التذكرة As-Salih. أرجو أن تصلك أيوة أن تصلك التذكرة وأنت في الصالة. ترجم. تذكرة. تذكرة سي بيي. آه وين؟ تيكي. J'espère que tu récupères, que tu vas obtenir ton ticket. Le billet va te parvenir. Et que tu es dans la salle. Non. Al-qima dakhil al-masrif. Al-qima serait le prix, la valeur. Ou Edon al-mablar, la somme également. C'est pour ça qu'ils veulent dire. C'est ce qui apparaît de la phrase. Aïwa. Dakhil al-masrif. Dakhil al-masrif. À l'intérieur de l'agence, de la banque. أرجو أن تسلك القيمة وأنت في المسجد في داخل المسجد. الدعوة البيت. ما معنى الدعوة هنا؟ دعوة الدعوة ici. Parce que fait d'appeler, fait de voix de. L'invitation. L'invitation. نعم. أرجو أن تسلك الدعوة وأنت في البيت. نعم. J'espère que l'invitation va te parvenir. Alors que tu es à la maison. طيب. اليوم سنكتفي بهذا وسنكمل غدا بإذن الله تعالى. مفهوم النص؟ طيب. والحمد لله رب العالمين. مع تحية دمام.